On a vraiment des belles rencontres, une belle entrevue ce matin avec le directeur général des Alouettes de Montréal, le nouveau directeur général, Danny Machocia. Salut, Danny. Bon matin, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Il fait froid au lac Saint-Jean, par exemple, genre moins 27, mais à part ça, ça va bien. C'est loin du cœur. Il fait froid à Montréal, je vous confirme. Effectivement. Danny, je voulais féliciter au nom de Pascal Masson, qui est espoir d'être en entrevue avec nous autres, mais finalement... Il peut pas, il est professeur d'école, donc directeur d'école, pardon. Donc, je transmets les félicitations au nom de Pascal, puis à mon nom aussi. Parfait, puis je l'apprécie énormément. Puis tu dirais bonjour à Pascal de ma part. C'est une chic personne que j'ai énormément de respect pour. Pascal, Danny, d'abord, dans un premier temps, comment ça fait le temps que c'est depuis le 31 décembre que tu les pourparlers avec. Avec les nouveaux propriétaires des Alouettes ont commencé? Oui, le premier contact s'est fait le 31 décembre. Puis c'était une conversation au téléphone. Puis on a eu la chance de se rencontrer le 5 janvier. Moi, j'étais à l'extérieur, je quittais pour New York avec la famille. Monsieur Stern était en ville, puis il voulait séduire une rencontre, mais malheureusement, j'étais déjà commis à passer 4 jours à New York avec ma famille, mais j'étais de retour le 5, puis okay. Pendant la soirée, je l'ai rencontré, puis on a commencé à discuter, puis dans les prochains jours, on s'est rencontrés, on a jasé un petit peu de plusieurs choses, que ce soit le foot, que ce soit la vie, on a parlé un petit peu de politique aussi. Ah, okay. On a fait le tour, puis je dirais le mercredi, ils m'ont fait un offre. OK. Puis évidemment, t'es très heureux évidemment de revenir dans la Ligue canadienne de football. Et peu importe le groupe, je pense que t'étais vraiment le candidat numéro un pour être directeur général. Donc ça doit être flatteur à quelque part, là. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais moi, je n'étais jamais commis à un groupe en particulier. C'est sûr, ouais. Que j'aidais le groupe ou plusieurs de ces groupes-là parce que le but avec moi, c'était d'être sûr que la franchise reste à Montréal. Ouais. Moi, j'étais bien l'Université de Montréal. Pour moi, la chose qui était très importante, c'est qu'on garde la franchise à Montréal parce que quand les autres propriétaires sont en train d'injecter de l'argent pour payer les dettes d'une organisation, d'une équipe, tu commences à te poser des questions pour combien de temps est-ce qu'ils peuvent se permettre de le faire. Alors, c'était le but ultime. Puis le fait que M. Stern a acheté l'équipe, la conversation, les plusieurs conversations, rencontres que j'ai eues avec lui, c'était vraiment un fit naturel. Je me sentais vraiment bien autour de ce monsieur-là. Puis là, on ajoute l'embauche de Mario Cicchini. Puis là, c'était presque un no-brainer. OK. Le premier geste, c'est Danny, ça fait quand même un certain bout de temps que t'es plus dans les Canadiens de football. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage que je dis, c'est qu'au football canadien, c'est pas l'équipe qui a les meilleurs Américains qui gagnent. C'est ceux-là qui sont capables de dénicher le football canadien. Les meilleurs joueurs de football canadien, les Stampeders de Calgary en sont la preuve. Donc là-dessus, les universités, les joueurs de toutes les universités au Canada, t'y connais pas mal toutes. Absolument. Puis la clé, que ce soit Calgary, que ce soit dans les années précédentes comme Ottawa, quand j'étais à Edmonton, puis même quand les Alouettes ont eu beaucoup de succès, tu as besoin de 3 facettes. Ça veut dire que tu as besoin d'un carrière d'élite qu'il y avait à Montréal, à Anthony Cavillo, une excellente ligne à l'attaque, puis j'ai pas besoin de te dire des Scott Flory, des Bourque, puis des Brian Chu. C'était des excellents joueurs, puis tu as besoin d'un contenu canadien très fort. Si tu as ces 3 facettes-là, bien, tu sais, des receveurs américains, tu en trouves partout. Tu vas en trouver des secondaires, tu vas en trouver des porteurs, tu vas en trouver. Mais le carrière d'élite, la ligne à l'attaque, puis ton contenu canadien est très, très, très, très important. OK. Ton premier jeu, tu vas te tourner vers quoi, là? T'as-tu une idée? J'imagine que c'est les alliés défensifs pour mettre de la pression. L'année passée, quand John Bowman est ton meilleur joueur à 37 ans pour mettre de la pression, t'es dans le trouble. Est-ce que c'est vraiment ta priorité là-dessus? En tant que directeur général? Mais il y en a plusieurs. Ma la priorité numéro un, c'est de gérer le plafond salarial, parce qu'actuellement, c'est sûr qu'on a hérité des contrats qui sont pas tout à fait idéaux là, pour, okay. Pour l'édition 2020 des Alouettes de Montréal. Alors, c'est sûr que j'ai du travail là-dessus pour déterminer qui qu'on garde et qui qu'on garde pas, puis qui on peut on va aller signer des joueurs d'autonomie, parce qu'on nous, on a une vingtaine là, ici à Montréal. Alors, il faut identifier qui qu'on va garder. Puis, quand on fait référence à la ligne défensive, c'est sûr qu'on a besoin d'aller chercher quelques joueurs. Puis, comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire avec sur le marché des joueurs d'autonomes, ou est-ce qu'on va viser d'aller à des camps aux États-Unis, puis d'appeler du monde qu'on connaît, puis d'essayer de... d'amener des joueurs au camp, puis de déterminer c'est qui peut nous aider sur la ligne défensive. OK. Donc, c'est ta priorité numéro un. Est-ce que les joueurs autonomes également, ça s'en vient bientôt? C'est très important. Je pense que c'est le 15 février aussi que ça va clencher. Est-ce que tu t'attends d'être quand même assez agressif de ce côté-là? Mais ça dépend combien d'argent qu'on a qui est disponible. C'est okay. ça que je vous dis, parce qu'on a déjà, avant mon embauche, il y avait déjà payé d'autres personnes, d'autres joueurs qui ont fait partie de l'édition 2019. Alors, il faut admettre qu'on est un petit peu limité avec le nombre d'argent, le montant d'argent qu'on a disponible. Alors, s'il faut être agressif, mais là, on est conscient qu'il faut libérer certains joueurs pour aller chercher ces joueurs-là qu'on vise. Alors, c'est vraiment une situation pas tout à fait idéale, mais ça fait partie de notre réalité. On est un petit peu en retard. Mmh. On est conscient de tout ça, mais il faut prendre des décisions, quelques décisions difficiles pour mettre une équipe compétitive sur le terrain. OK. Le fait dans le temps, Jim Pop avait des contacts incroyables aux États-Unis, dans les camps de la NFL. Il faisait le tour aussi. Toi, t'as-tu assez de contacts de ce côté-là, pareil? Ah oh oui, c'est ça. Ouais. J'en ai, puis justement, il y en a une couple qui s'en viennent en ville la semaine prochaine pour passer. Ils vont être ici en entrevue, mais j'en ai, c'est sûr. Puis la réalité, c'est que les derniers jours, il y en avait même d'autres que je connaissais même pas, que c'était des anciens joueurs qui ont joué pour moi. Qui, eux, aujourd'hui, ou dans les années précédentes, ils ont gagné leur vie avec d'être comme dépisteurs, que ce soit dans la Ligue nationale ou ailleurs, qui sont disponibles aussi, qui aimeraient faire partie de notre équipe des Alouettes de Montréal. Alors, c'est de choisir lesquels, parce que là aussi, il y a un plafond salarial pour qu'est-ce qu'on appelle les non-player cap. Alors, il faut être conscient de tout ça, mais je pense qu'on va être capable d'identifier deux ou trois dans probablement les 10 à 14 prochains jours. OK. La XFL, comment tu vois ça? Ça ouvre dans trois semaines. La XFL, c'est beaucoup d'Américains également. Est-ce que tu penses que ça va faire mal au football canadien, oui ou non? Je pense pas. Écoute, la Ligue canadienne trouve toujours une façon, un moyen de survivre. Et on a vu d'autres ligues dans les années précédentes, puis je pense pas qu'ils ont fait mal à la Ligue canadienne. Puis justement, quand on parle d'avoir des dépisteurs, mais nous, on va être visible dans ces camps-là, puis à ces matchs-là, puis identifier du talent, puis en espérant que quand leur contrat va être en échéance, on va être capable de les convaincre de venir chez nous. OK. Kerry Jones, c'est pas toi qui l'as nommé. Normalement, c'est un directeur général qui nomme son entraîneur. Il est un directeur général qui amène ses hommes. Mais Kerry Jones a tellement fait l'an passé qu'il faut quand même lui donner respect pour ce qu'il a fait. C'est lui qui est la première personne de cette relance des Alouettes-là. Comment ça a connecté avec Kerry Jones? Ça a bien connecté quand même? Oh oui, moi je connais Kerry depuis 2007. Il était notre camp mentalement comme carrière. Les deux dernières années, même avant qu'il était entraîneur en chef des Alouettes de Montréal, il venait souvent à nos matchs des Carabins. Il était toujours placé entre les deux bancs, sur les lignes de côté. J'ai eu la chance de me souper avec lui en mai de l'année passée. Puis, écoute, on va se dire les vraies choses, les circonstances qui a vécu quand Harry l'année passée était loin d'être évident, puis d'aller chercher une fiche de 10 et 8, puis, l'ambiance qui se trouvait autour de cette équipe-là, que ce soit, que ce soit dans le vestiaire, c'est transféré directement sur le terrain. Alors, s'il y a quelqu'un qui mérite de continuer le travail qui a déjà commencé, c'est Kahari. Puis, je vais aller même plus loin. Moi, je pensais que dans les circonstances qu'il a vécues l'année passée, il méritait d'être l'entraîneur en chef de l'année de la Ligue canadienne. Alors, écoute, moi, je m'entends bien avec lui, puis j'ai hâte de travailler avec lui. OK. Anthony Calvillo. C'est une question d'un auditeur. Anthony Calvillo, il reste à l'Université Laval, à l'Université de Montréal pour le moment. C'est toi qui l'avais amené à l'Université de Montréal. Est-ce que tu as l'intention d'y trouver une place avec les Alouettes? Parce qu'Anthony Calvillo, sans Danny Machosa, il me semble que ça fit moins. Là. Est-ce que tu as une chance? Est-ce que tu veux l'amener tu vas y trouver une place avec les Alouettes? Bien, c'est sûr qu'on aimerait à un moment donné avoir ici de retour dans la nid des Alouettes. Ça, c'est sûr et certain. Mais il lui reste une autre année de contrat à l'Université de Montréal. Je peux vous dire que c'est sur le staff d'entraîneur, on est déjà à notre limite. On a seulement le droit d'avoir 11 entraîneurs. Alors, puis le côté, la partie entraîneur, ça appartient strictement à Harry Jones. C'est lui qui va choisir ses entraîneurs. Alors, on est déjà à notre limite. S'il y a une façon de le ramener en 2020, mais on va essayer de le faire. Mais à un moment donné, je peux pas croire que Anthony ne sera pas de retour dans la grande famille des Alouettes. Est-ce qu'il a progressé comme entraîneur? Parce que moi, je me rappelle qu'avec les Alouettes, à l'époque, il était même coordonnateur à l'attaque, ça allait vite pour lui, là. Est-ce que tu as senti une progression comme entraîneur? Est-ce qu'on peut le penser éventuellement qu'il y a de la graine de... Ben là, André, je pense qu'André Bolduc mériterait sa chance comme coordonnateur d'attaque. Mais est-ce que là, est-ce que Anthony, comme entraîneur, est plus préparé et mieux outillé que son premier séjour avec les Alouettes? Bon, j'aimerais penser que oui. Je pense que tout ce qu'il a vécu ces dernières années, puis en particulier l'année passée, ça peut seulement lui aider. Pour moi, si c'est quelque chose qu'il souhaite faire, puis il veut continuer de gagner sa vie dans le foot comme entraîneur, je peux pas croire qu'il peut pas le faire au prochain niveau dans la Ligue canadienne, puis d'avoir du succès. Oui, je suis convaincu. OK. Ben, Danny, félicitations. Je sais que tu as beaucoup, beaucoup de travail. Merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler, puis on va se reparler sûrement dans le courant de l'année. Excellent. Un gros merci. Voilà le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Machosha.